Let's go. Are you ready? Rail Suprême, comme chaque dimanche soir, bienvenue à vous tous, bienvenue Case. Bienvenue à vous, merci. Ça va en forme ? Bah oui, comme d'hab. Est-ce que tu es prêt à nous ambiancer ce soir ? Ah ouais, ce soir comme jamais. On rappelle aussi que si vous voulez passer des messages, des dédicaces, c'est simple avec le hashtag Rail Suprême sur Skyrock, ça arrive dans le studio. On fait péter les dédicaces. Et tu en balanceras quelques-unes parce que les gens après sont frustrés, ils disent hey, j'ai envoyé mon message, il n'y a pas eu, mais insistez, insistez, ça viendra un jour ou l'autre, ne vous inquiétez pas. On en prend quelques-unes, ce sera d'ici une grosse demi-heure maintenant. Mm-hmm. On attaque Case ? Allez, on y va. Allez, coup d'envoi. Là, c'est dingue. C'est Rail Suprême. Skyrock. Aujourd'hui, tu l'entends partout, partout, partout. La première fois, c'était sur Skyrock. Laisse-moi là, j'atterris. J'avoue, là, c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil, ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé, me dis pas que tu me kiffes. Car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange jaille, jaille, jaille. Mec, regarde ta go. Depuis tout à l'heure, elle fait que me fixer. Oh la, qu'est-ce que t'as, la mélo. Je veux juste des kisses qui fait glisser. Perdre et ban, classico. Je ne joue pas, pourtant t'es bluffé. Et je mange aïe, aïe, aïe. Je traîne en gamos, je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos, je suis en love et oui je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss, je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse. Et je mange aïe, aïe, aïe, là c'est dingue. Dimanche soir. soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. I am Lumi, l'Algérie Nord 2015, Oriental Dream Habibi, ingénieur du son, l'aîné, Nasri à la manigance. Yeah.

y'a des petits gantés partout, y'a des petits gantés. Y'a des faux partout, y'a des petits gantés. Je fier de mon parcours, je suis pas le brigandé. Y'a des faux partout, y'a des petits gantés. Je fier de mon parcours, je suis pas le brigandé. Laissez-moi, je suis dans mon délire. Je suis personne, j'ai pas me vanter. Je vois les petits faire des délits. C'est pas la tête à inventer. Tu voulais avoir ma vie. J'ai traîné, ça m'a scanné. J'ai grandi, j'ai vu mes amis. J'en ai plein solo. Et ouais, ma puce, elle a une rombo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos. Oui, oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. C'est Rail Suprême. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit. Je vais faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Je contrôle la maison, après c'est mon parcours. Elle n'est pas ta gueule, sale petit coquin des cocus. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les gamos, pour deux crocos sur la chaussée. Je suis congolais, tu vois, je veux dire. Normatisé, maître Kim Spa, convoitisé. Charlie Delta localisé, l'Embilasson focalisé. Zappé comme Chacha, Chama. Dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, imbécile. La concurrence à ma vessie. Le Bouzano et Hermès. Mais vite, tout ça, je fais la recette. Bello, bello, bello. Agora subiu. c'est Rail Suprême. Skyrock. Sans piqué, un peu de jackmel pour m'exciter. Roue arrière, y'a pas de train, j'frappe dans la cité. Ça prend tout, j'suis dans la mêle et l'amener. C'est toi qui fais le mac, au final tu peux ramener. Mais mes potes m'ont dit, t'es en boule d'idée. Au pire, j'mets un masque sous le casque AGV. C'est tout la LON en direct à Pointa. Pour les frangins qui mettent un île en gêne. Normal pour les anciens. Pour ces anciens qui rôdent avec le machin. Que ça parle en traite, y'a des mecs comme ça. Que des délétudes, c'est le béton ça. Que ça veut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça gratte toute la nuit. De l'ennui, ça fait des grosses peines, des baumettes à nuit. Et j'gamberge, j'fume plus, j'oublie. Sur un bête en boîte, normal, comme but la bol, normal, pas la charge, normal, j'fume ma drogue, normal, en cas de poursuite, normal, j'cache la blague, normal, paire de hop, normal, crack sans cagoule, normal. Hey yo les mecs, c'est DJ Heavy Baby. Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. J'attends un appel de ma mère. Aka, laisse tout ça. Mon ami, je dis, tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. Je vois dans toi, mon ami, dis à toi, si tu n'avais pas envie de joker, Mola, il fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la fête, hein. Faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, angoissez la petite, embrouillez la petite. Et maintenant collez la petite, collez, collez. Sanga, sanga, sanga, sanga, sanga la petite. Sanga. te trompe pas. Dans la fête, on ne se comporte pas. Chez nous, le lait ne se donne pas. La vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi, mon ami. Et surtout, arrête de cogiter. La vie est tellement belle. Si tu as l'occasion de faire des choses, y'a les filles androïdes. Y'a les filles jumbo. Y'a tout genre de la foule. Les majaja et les matongo. DJ Kaze. Salut la famille, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie.

حنتي تبغي الروبلة Case le dimanche soir, l'émission c'est Rail Suprême et c'est des messages, des dédicaces aussi, voilà. Case. C'est du lourd, là, j'ai passé 40 minutes de folie. Et d'ailleurs, merci à tout le monde de veiller aussi tard hein, pour nous écouter, s'ambiancer, s'enjailler, les voitures, les chichas, la maison. Magnifique. Voilà. Et on remercie Grégory qui est de garde chez les pompiers dans le 95. Ah. Il fait un gros big up à tous les pompiers de France. Grosse dédicace à tous les pompiers de France. Voilà. Ouais. Big up à eux, ils font un boulot extraordinaire. Mmh. Samir qui taffe sur ses examens, donc on lui souhaite bon courage. J'espère que Rail Suprême va lui porter chance. Bah c'est sûr, c'est sûr. Très arithmétique, c'est sûr. C'est une émission très... Si t'écoutes Rail Suprême, t'as tous tes examens. C'est ça. C'est connu, hein. Léa, qui est avec ses copines en nous écoutant. Ah. Bah, big up Léa et toutes ses potes. Hein. La prochaine fois, vous viendrez assister à l'émission, n'hésitez pas. Et Samia, qui veut faire des bisous à Ritza. Voilà, on passe le nouveau titre de Ritza. Ritza. Houston, La Cédaille. Et voilà, le son, il pète tout. Et d'ailleurs, allez sur son Facebook, ses réseaux sociaux, c'est Ritza. Ritza sortira en décembre, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, début décembre, je crois. Début décembre, le nouvel album. Voilà, j'ai écouté, c'est La Violence Nucléaire. Une quoi? C'est Tchernobyl. Et on fait aussi une dédicace à Farid et Oussama, les deux troublions. Les troublions, voilà, qui... On n'allait pas dire parasites. On pourrait. Ils sont là, ils s'ambiancent. Et voilà, si vous voulez faire des dédicaces à eux, n'hésitez pas. Et sinon, pour les soirées de Case? Bah pour les soirées, moi, vendredi, je suis vendredi 23, je suis au White Dreams à Paris. Ah, le 20e. Bien le White Dreams. White Dreams. White Dreams. Et samedi, pour une première, je vais en Suède, samedi 24, au Life Club. C'est à Stockholm. Donc. Bah alors ça, c'est pour ceux qui peuvent aller loin. Pour les Suédois qui nous écoutent. Et pour les Suédois qui nous écoutent, donc bah, terrible. C'est à Stockholm. Il paraît que c'est incroyable, hein, la Suède. Hein. Apparemment, je vous raconterai. Tu nous diras ça dès la semaine prochaine, puisque tu reviens la semaine prochaine. C'est ça, on va représenter Rail Suprême, Skyrock, DJ Kays à Stockholm. Mais juste avant, une dernière session de mix quand même, bah, Kays, avant de partir. C'est la base. Allez, on y va, c'est parti. Minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ Kays sur Skyrock. Au micro je mets des queues clas, non il faut pas t'écras. Même ta copine avoue que j'ai trop la secla. Pour les arrivants qui vont bouffer la melga. Je suis dans l'espace, t'es dans le passé comme Zelda. Doucement l'alcool, ma cousine, il faut pas l'être gars. L'inspi c'est Jigma, quand je sors ma guette bas. Je téléphone à Willow si tu veux manger une clé de bras. Toi tu découpes des meufs, y'en a qui découpent des guettes plats. Wesh mon ami Kesta, 9-4 tu s'en testes pas. Il faut rester soi-même, pourquoi tu fais gangsta? Moro c'est danger, sa vie crave descendre. Pour s'en sortir et pour trouver à manger. Comment je leur fais du mal? C'est abusé, je suis là pour faire du sale, pas là pour m'amuser. Trop de protos ont fini sur le banc des accusés. Je veux péter le milli, j'espère que t'es avisé. Tous tes projets partent en fumée quand tu t'es fait lever. Ça devient un cauchemar, man, il faut pas rêver. Masta c'est ta peufra comme celle de Snoop Dogg. Dis-moi pourquoi tu baves, pourquoi tu fais le bulldog. Ok, ok, amigo, je connais trop d'oké. La fumette ça rend fou, il faut pas trop se moquer. Wesh ma putain de Kaira, lève ta bécane en i. Pour ceux qui étudient et pour tous mes bandits. Dis machin Allah, il faut pas. panneau Ayen. Dis-moi Psartex si un jour tu me vois en Cayenne. Ça va péter, Cognos c'est l'omerta. Quand tu rappes t'es pas bon comme le goût du smec. Ta manche leur fait du mal, Bodo c'est abusé. J'suis là pour faire du sale, pas là pour m'amuser. Trop de potos ont fini sur le banc des accusés. J'veux péter le mille, j'espère que t'es avisé. C'est incroyable, j'ai mis à la demande. Un test à bruit, c'est trop dément. Carbo, comment t'es à la demande? Dans cette vie mon ami, y'a trop de dormants. Incroyable, j'ai mis à la demande. Un test à bruit, c'est trop dément. Y'a trop de terre, bon, je leur fais du mal. Poto, c'est abusé. J'suis là pour faire du sale, pas là pour m'amuser. Trop de potos ont fini sur le banc des accusés. J'veux péter le milli, j'espère que t'es avisé. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Tout le monde est là, y'a mis ça, y'a madame, messieurs, il faut avancer. Mademoiselle, je me mets, laisse-toi aller là. Il faut avancer, pas les problèmes, ça qu'a marché. Il faut avancer, Arwa, Arwa, ça c'est le mec. Il faut avancer. Quoi qu'il arrive, on recule pas. Ils parlent sur moi, je les calcule pas. Souris-moi, ça me tue pas. Tu sors de Panama ou Calcutta. عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفراق صعيب والربح غبيا ليالي لي بويا واش تقولي بلا ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هدا ناري ناري وفرقوك عليا واش هدا الفراق صعيب والربح غبيا Tu as carrossé des gars d'Iana. Tu as 15 ans, coupe à la Rihanna. Ça guette en moi, tu bloques en pyjama. Y'a la capulerie sur la Yamaha. Tu m'as trahi, ça m'a fait un choc. J'ai comme l'impression d'avoir fumé un choker. Smoke, là c'est Jules, si t'es pas content, fuck. On smoke et d'elle, c'est devenu un choker. Tu l'as carotté, je crois sur tes morts. Ça t'énerve, on prend tes maxons des morts. Dédicace, quartier sud, quartier nord. Sirail suprême, Skyrock. Je suis le ying et le yang. Mais fais le moonwalk, tu veux pas que ça fasse bang. À t'écouter, tu fais partie d'un gang. Mais tu descends pas en promenade, t'as pas compté le bang. L'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau, l'alcool c'est de l'eau.

Calibré dans le club, refrain. Bon bon dans l'air, à guider, bon bon dans l'air, bon bon dans l'air, bon bon dans l'air,

rien que quand je te parle, tu comprends 10 jours après. Je change de flow comme de chaussée, préviens là, je suis une pile du racel. Excitant, je suis tentant, hésitant. Si tu me trompes, tu vas casquer comme le président. J'ai la joie de vivre camoussé dans ma résidence. Même avec une tronche éclatée, je suis un dream vivant. C'est le son de la malade, ce que tu te rends malade. C'est le son de la malade, ce que tu te rends malade. C'est le son de la malade, ce que tu te rends malade. C'est le son de la malade, ce que tu te rends malade. J'ai pas le temps, je vis que la night. DJ Case n'a pas le temps, il vit que la night. Minuit, une heure, minuit, une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJ Case sur Skyrock. Aujourd'hui, tu l'entends partout, partout, partout. La première fois, c'était sur Skyrock. Laisse-moi là, j'atterris. J'avoue, là, c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil, ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé, me dis pas que tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange, j'aille, j'aille, j'aille. Là, c'est dingue, dingue, dingue. Je fais mes bails, bails, bails. Vas-y, wine, wine, wine. Et je mange, j'aille, j'aille, j'aille. Là, c'est dingue, dingue, dingue. Je fais mes bails, bails, bails. Vas-y, wine, wine, wine. Là, c'est dingue. Mec, regarde ta go, depuis tout à l'heure elle fait que me fixer. Oh la quétale, salamello, je veux juste des kisses qui fait glisser. Perdre ban classico, je ne joue pas, pourtant t'es bluffé. Et je mange aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, dingue, dingue. Je fais mes bails, bails, bails. Vas-y, wine, wine, wine. Et je mange aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, dingue, dingue. Je fais mes bails, bails, bails. Vas-y, wine, wine, wine. Là c'est dingue. Je traîne en gamos, je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos, je suis en love et oui je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss, je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse. Et je mange aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, dingue, dingue. Je fais mes bails, bails, bails. Vas-y, wine, wine, wine. Et je mange aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, dingue, dingue. Je fais mes bails, bails, bails. Vas-y, wine, wine, wine. Là c'est dingue. DJ Case, le dimanche soir, c'est fini pour ce soir, ouais, Case. C'est fini, ouais, moi je me suis bien éclaté. Bah pareil, merci, pareil. Merci à tous, hein, de... On va te laisser partir dans le monde entier. Bon, déjà à Paris pour le Ride Dreams. Ride Dream, vendredi. C'est cette semaine, vendredi. Et samedi en Suède. Direction de la Suède pour ceux qui peuvent aller à Stockholm. On reviendra avec du nouveau son suédois. Et bah tu nous diras comment ça s'est passé là-bas. Je suis intéressé de savoir un petit peu comment ils réagissent par rapport au mix de DJ Case. Si vous voulez voir les photos, les vidéos, ça se passe sur la page fan DJ Case, Twitter, Instagram, Snapchat, DJ Case Paris. Voilà. Big up à Fabien avec son drapeau Amérique. Les États-Unis. Voilà. Attends, je suis en train de compter si les étoiles, s'il y a assez le nombre d'étoiles. Hey Case, tu veux pas nous inviter en Suède? Oui, bah, c'est si, ça, ouais, on va t'inviter, mais toi, non, j'ai déjà, j'ai déjà deux Suédois qui m'attendent. Fabien, il préfère la Grèce, mais. Et les îles grecques. Mykonos. Si tu mixes un jour là-bas, Suède, moi, ça m'intéresse. Allez, merci, merci en tout cas pour cette soirée, Case. Ciao, ciao. Encore la semaine prochaine, passez une bonne nuit. Rap, R&B, non-stop, c'est reparti. Ciao. Rap et R&B.